L'école Changdok à l'arrondissement de Mangyongdae de la ville de Pyongyang a abrité le 11 septembre une cérémonie consacrée à la Journée mondiale du service de premier secours 2017 sous thème « Service de premier secours domestique ». Y ont participé les officiels et jeunes membres de la Société de la Croix-Rouge de la République populaire démocratique de Corée, les membres des délégations de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et du Comité international de la Croix-Rouge en mission en Corée, ainsi que les officiels des représentations diplomatiques et des institutions internationales à Pyongyang. Lors de la cérémonie, il y a eu des compétitions des méthodes pour le retour à la vie des malades cardio-pulmonaires, le service de premier secours au cas de l'hémorragie et de la fracture, et l'évacuation des malades. Pour finir, les jeunes membres de la Société de la Croix-Rouge ont donné une représentation artistique.